sans faille, jusqu'à temps que les espoirs s'en aillent. Sans mal, j'ai sombré comme notre couple dans ses funérailles. Mais ce n'est qu'un détail, car la haine je l'ai domptée. Peu de personnes sur qui compter, on dit d'être complet, mais on ne fait que tomber. Les gens se tuent à s'apitoyer, indulgent sur l'instru. Je laisse les pites sans pétoyer, aboyer loyal. C'est battle royal pour payer le loyer. Voué à une jeunesse noyée, affaiblie par la technologie. Indécis, on rêve d'apologie, c'est logique. La société de consommation nous cogite, notre degré de consommation nous corrige. Sans sommation, on nous oblige à faire preuve de collaboration avec la police. Mais t'es fou toi, tu crois qu'on veut finir sous écrou? Quoi? J'écoute, mais la loi du silence comme ligne droite. Regarde si les balances ont toujours leur dis-toi. Alors dis-toi que le plus dur est le poids de la conscience et la voix de la foi dans l'inconscient. Donc montre ton bon sens sans rédemption. De l'innocent je n'en ai su que la présomption. Je suis né dans le son par les cris qui demandaient pourquoi j'arrive dans